Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurer, sans reproche. C'est la numérotée 1372 avec un beau petit programme encore une fois ce soir, puisqu'on va recevoir dans les studios de Galaxy Radio Arthur de Décombres, je pense qu'on dit comme ça, et qui sera en interview d'ici une bonne trentaine de minutes. Vous avez pu constater aussi que l'habillage sonore a changé depuis trois émissions. Je remercie 242 000 fois Pierre Degarde pour ce bel habillage. On continue notre façon de faire, c'est-à-dire une sélection de la semaine. Et pour ce lundi, c'est The Beast in You, le dernier album de Ultrason. Franchement, c'est une très rapide ascension pour ce duo belge qui s'appelle Ultrason. On vient de s'écouter le morceau Fluorescent Sun. J'en parle tout à l'heure de cet album. La dernière émission, il y avait deux sélections de la semaine. La première, c'était Memory, Impulse, Autonomy. Le dernier album de Rhys Fulber, on va s'écouter le morceau New Despotism. Franchement, j'aime beaucoup ce dernier album de Rhys Fulber, car il a laissé tomber les atmosphères lourdes utilisées depuis quelques années. On dirait qu'il se relâche au fil des ans sur son nouvel album. Il s'autorise à quelques séquences d'improvisation au studio et pas mal de featuring. Du coup, l'ambiance est beaucoup moins tendue et pesante. J'ai diffusé lors de l'émission précédente le featuring avec Qual et celui avec Barco. Cosina, c'est la chanteuse de Years of Denial. Franchement, j'adore ce morceau. Et pour ce soir, donc, ce sera New Despotism. La deuxième sélection de la semaine, c'était la dernière sortie de Alliance Production, le groupe américain Compulsion Analysis. Son album s'appelle De-Revealing. En fait, c'est un projet solo hein, américain donc mené par Nicolas Voodoo, qui habite en Californie. Il mêle EBM, dark electro et industriel, dans un son à la fois brutal et atmosphérique. C'est son premier album qui vous plonge dans un univers dense, oppressant, avec une esthétique électro-dark à l'ancienne. Les morceaux évoquent la tension, la paranoïa ou l'aliénation moderne. Ses influences, c'est Frontline, Mental One, The Fixer, Skinny Puppy. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Et on terminera avec une nouveauté de chez Soil Records, le dernier EP de Damage Clock. C'est parti, Rhys Fulber, Compulsion Analysis et Damage Clock. C'était Rhys Fulber avec le morceau New Despotism de l'album Memory Impulse Autonomy qui sort chez Art of Factor Records. Juste après Compulsions Analysis avec le morceau Mental Prison de l'album The Revealing. Et là, ça sort chez les Slovaques de Alliance Production. On a terminé avec un Colombien qui s'appelle David Restrepo. Et son groupe s'appelle Damage Clock. Il vient de sortir un EP, un 105 morceaux sur le label espagnol Soil Records. Ce EP s'appelle Reparando el Clock. Vous avez compris qu'il y a un concept derrière tout ça, hein. C'est une autobiographie sonore qui explore la notion de réparation du temps, où chaque morceau symbolise un souvenir, une fracture, une renaissance. C'est entièrement produit sur du matériel analogique. Et l'édition vinyle est masterisée par Thomas P. Ekman. On a écouté le morceau Bilamos con Corbata. Et on retrouve une petite séquence juste avant l'interview d'Arthur de Décombre. On commencera avec Metal Disco, le morceau Too Much Drama de l'album Power Hunter. Vous savez, hein, Metal Disco, c'est un des projets du boss du label grec Werkstatt Recordings. Avec cet album, ce producteur livre un concentré d'énergie analogique d'EBM rétro, de synthpunk dans l'ensemble. Et le titre Too Much Drama est mon préféré. On continue avec un autre style beaucoup plus dur, celui de Trepanerings Ritualen. C'est un Suédois, Thomas Ekelund, qui est une figure majeure de la scène rituelle industrielle et death ambient. Il fait de la musique depuis 2010. Il fusionne occultisme sonore, texture abrasive et voix incantatoire pour créer une atmosphère de transe et de dévotion sombre. Son dernier EP s'appelle Diadem of Fire et il sort chez Anzen. On s'écoutera With Hand and Heart. On continuera vers des cieux un petit peu bizarres, vous allez voir. Allez, c'est parti, Metal Disco, Trepanerings Ritualen. premier dans cette séquence Metal Disco, le morceau Too Much Drama de l'album Power Hunter, et ça sort chez Werstadt Recordings. Ensuite, le suédois un petit peu fou, furieux quand même, de Trepanerings, Ritualen, le titre With Hand and Heart du EP Diadem of Fire, et ça sort chez Anzen. À la suite, on a retrouvé un album on a retrouvé un allemand qui s'appelle Dev Singh, et son nom de scène c'est Siongda. Là, il s'associe à la performeuse Marie pour son album Resistance, où il fusionne percussions tribales, textures électroniques abrasives et vraiment avec des voix rituelles que j'adore. J'ai diffusé le morceau Sewing, Ripping, qui illustre parfaitement cette alchimie. C'est vraiment un album où le chamanisme s'invite sur les dance floors. On a terminé avec Skold, Tim Skold, qui est un Suédois aussi, où il ne vit plus dans son pays depuis des années, des années. Tim Skold, c'est un ex-KMFDM, un ex-Marilyn Manson, un ex-Shotgun Messiah. Ses dernières activités ont été d'être guitariste sur la dernière tournée de Frontline Assembly. Et là, sur son album, hein, solo, Skold, son album qui s'appelle Caught in the Throes, on peut considérer cet album comme une sorte de journal intime dont les humeurs varient au gré du jour. Ça sort chez Metropolis Records. C'est vrai que cet album part un petit peu dans tous les sens, mais la ligne directrice étant une esthétique froide, cynique, perverse, fidèle à l'esprit libertin revendiqué par Tim Skold. Je vous l'ai dit en début d'émission, on a un invité, il s'appelle Arthur, son projet c'est Décombre. Alors c'est quelqu'un qui n'est jamais passé dans les studios de Galaxy Radio, encore moins bien sûr dans l'émission Sans pleurer, sans reproche. Alors quoi de mieux qu'avant qu'il prenne le micro, quoi de mieux que de diffuser un morceau de Décombre, et on passe tout de suite le titre Reboot. Day you will wake up and your mornings won't feel as heavy. The birds will sound beautiful again and the sun will rise as it always has. But this time you won't hide your face under the pillows and ask it to leave, because today isn't as hard as it was yesterday or the day before. Time will pass by faster. And your projects will start to come to reality. But this time you won't hide your face under the pillows and ask it to leave. You won't skip breakfast and you'll take a shower. Brush your hair and get dressed, because today isn't as hard as it was yesterday. Time will pass by faster, and your projects will start to come to reality. You've failed in the past and will fail again. This time will be different. You will scream, you will cry, you will rage, but your day will keep on going. That day will come when you find yourself. Decide today will be your day. Today will be the day you will own, because no one will be able to stop you. Basé dans la région des Hauts-de-France, ce musicien est un acteur de la scène électronique spécialisé dans les genres électro. Il s'appelle Décombre. Il est connu pour son utilisation de ses morceaux pendant les publicités de grandes marques ou encore en fond sonore pour des séries. Il est aussi connu pour des DJ sets qui intègrent ses compositions originales tout en explorant un large éventail de la musique électronique. Il a notamment performé sur des scènes locales comme la Condition Publique de Roubaix ou encore d'autres clubs lillois. Il organise d'ailleurs lui-même certains événements. C'est un jeune musicien qui fait du bien à notre scène Electro Dark. Alors salut Arthur et bienvenue dans l'émission Sans pleurs et sans reproches. Merci d'invitation, ça fait super plaisir d'être là. Première fois pour moi chez Galaxy Radio, du coup voilà, merci de l'accueil. Ben, avec plaisir, tu le sais. Je te laisse te présenter succinctement à nos auditrices et auditeurs. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Arthur. Mon nom de scène, c'est Décombre. Et je suis producteur de musique et designer sur mon temps professionnel. Donc, moi, j'ai un style qui peut être décrit comme cinématographique, énergique et nostalgique. Donc, je suis vraiment influencé par l'électro au sens large. Et voilà, je fais ça depuis maintenant une dizaine d'années. C'est ce que j'allais dire. Quand as-tu commencé à faire de la musique et surtout pourquoi ? Bah écoute, en fait, moi j'ai été la première fois que j'ai écouté de la musique électronique, enfin où j'avais conscience que c'était de la musique électronique, c'était en 2007 lorsque je regardais le live des Daft Punk sur YouTube et j'ai trouvé ça assez dingue en fait parce que j'arrivais pas à comprendre d'où ces sonorités venaient. Forcément, c'était pas des instruments dits classiques. Donc c'est vraiment ça qui m'a intrigué et j'ai trouvé ça mystérieux et mystique et je me suis, de fil en aiguille, j'ai regardé un petit peu comment on crée ces sonorités-là et environ 5-6 ans après, c'est-à-dire je devais être en première ou en terminale, j'ai commencé à produire sur Fruity Loops à l'époque et voilà, et aujourd'hui je produis depuis une dizaine d'années. Mais ça vient de où l'origine du nom de Décombre ? Sans E à la fin d'ailleurs. C'est ça, ouais. Alors, je sais exactement, pas si on dit Décombre ou Décombre. Non, on peut le dire à la française, Décombre. Et sans le E d'ailleurs, parce que justement aujourd'hui, avec les algorithmes Google, etc., c'était plus pertinent d'enlever le E pour être mieux référencé sur Google et sur les réseaux. Donc ça, c'était un choix, on va dire, marketing. Mais sinon, Décombre, parce que en fait, je qualifie mon projet de nostalgique. Je suis beaucoup influencé par le passé et j'aime beaucoup en fait modifier le passé avec des outils, des instruments de dernier cri entre guillemets, high technologique. Ce qui fait qu'en fait je trouvais ça intéressant de jouer sur la signification du mot décombre qui signifie les vestiges d'une civilisation perdue. Et donc du coup ça mélange un peu passé, présent et futur, comme si en fait les artefacts du passé pouvaient influencer le présent et l'avenir. Et tes influences, parce que toi tu évoques l'EBM, Electronic Body Music, ouais, bien sûr, ouais. Je suppose qu'il y a aussi la scène électro française, de toute façon tu en parlais avec Daft Punk, ouais. C'est une référence. C'est quoi tes influences principales dans tout ça ? Bah écoute, comme je te disais, c'est mes premières influences, les piliers pour moi, c'est la French Touch, avec Justice, Daft Punk, Étienne de Crécy, Vitalik, etc. Et j'aime beaucoup la synthwave avec des artistes style Kavinsky, Comtrues, etc. Et en fait, ce style-là m'a amené à me documenter, entre guillemets, sur les styles un peu cold wave des années 80, la synth-pop, etc. Avec vraiment des pionniers comme Depeche Mode, Joy Division, etc. Et je me rends compte qu'en fait, tout est lié. Forcément, chaque courant musical est influencé par un autre. Et c'est pour ça que par répercussion, je suis influencé aussi par le BM et tous ces styles de musique un peu dark c'est électro. Tout est une ligne de temps, donc c'est normal que ça s'enchaîne. Ouais, exactement. Ouais. Toi, je trouve que dans ta musique, évidemment, on ressent beaucoup de dystopie dans les thèmes que tu adores, que tu abordes, pardon. Il y a aussi des thèmes rétro-futuristes. Tu fais partie de la jeune génération. Je te dis ça parce que personnellement, j'ai 51 ans. Ouais. C'est vrai qu'on a une différence d'âge. Cette jeune génération de musiciens qui utilisent sans complexe l'intelligence artificielle pour créer tes morceaux. Alors, avant que nos auditrices et auditeurs s'enflamment à ce sujet, parce que c'est sujet tabou, tu t'en doutes. Ouais, en ce moment, ouais. Explique-nous comment et pourquoi tu utilises l'IA. Bah, en fait, à partir du moment où, effectivement, on en parle énormément de l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qui est totalement dingue, l'intelligence artificielle générative, celle qui permet de créer des choses. Pour moi, en fait, je trouvais ça très intéressant de l'utiliser pour justement, entre guillemets, la maîtriser et qu'elle nous, elle me surpasse pas. Mmh. Et c'était un peu avant tout une motivation politique pour justement pouvoir vraiment l'apprivoiser. Et concrètement, dans mes morceaux, en fait, j'utilise, y a beaucoup de voix qui sont générées de manière artificielle. Et je trouve ça génial de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle parce que ça me permet de tester plein de choses instantanément sans devoir attendre l'aide d'une interprète ou d'une personne dont c'est le métier. Donc, on voilà. est d'accord, hein, pour toi l'IA, c'est pas je donne des idées à chat ou je sais pas qui là, tu fais un morceau, je suis content, je l'enregistre et ciao, quoi, je le diffuse. Non, pas du tout, ouais, c'est un instrument en plus, d'accord. Exactement. Alors tes morceaux ont été diffusés pour célébrer les 210 ans de la marque Peugeot. Ouais. Comment t'as été sélectionné? Bah en fait, ça, c'est mon éditeur Green United Music, qui est mon éditeur depuis maintenant 2017. Donc ça va faire, voilà, c'est 6-7 ans. Et en fait, ils m'ont contacté parce que ma musique, ils la trouvaient très percutante pour des publicités, pour des médias, etc. Et depuis, je travaille avec eux et ils font ce qu'on appelle de la librairie musicale. Donc ils sélectionnent mes morceaux, ils les mettent en ligne et ensuite les médias viennent chercher, trouver le morceau le plus cohérent avec leur spot publicitaire. Et ensuite, il adapte, etc. Mais du coup, c'est du Décombre ou c'est un autre projet que tu laisses C'était pas du Décombre à l'époque, c'était le projet PCX. Donc, c'était mon premier projet. Et j'ai changé pour Décombre en 2022. Mais la DA de ce projet-là reste à peu près similaire. D'accord. Et il y a eu d'autres pubs aussi, hein, Roland Garros. Ouais. En fait, c'était pas Roland Garros en tant que tel, c'était le portrait, en fait, d'un des joueurs de Roland Garros. Et ils ont habillé le portrait avec un de mes morceaux, en fait. Et bravo. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, bravo. Ouais, non, c'est rigolo. Ouais. Après, les gens savent pas que c'est moi qui l'ai fait, mais en tout cas, ça donne une petite crédibilité dans le milieu. Ça doit être gratifiant, en effet. Donc, t'as une actu, hein. En juillet dernier, t'as sorti un EP, c'est ton premier. Deuxième, ouais. Distorama. 5 titres, hein, très court. J'en étais surpris vraiment de la durée très courte des morceaux. Ouais. Tu nous expliques un petit peu l'idée directrice de ce EP. Bah en gros, c'est une sélection de 5 morceaux. J'ai produit environ une quinzaine de morceaux au total et j'ai fait un best-of en fait de ces 5 morceaux qui s'emboîtaient très bien pour raconter une histoire. Comme tu le dis, c'est des morceaux très courts et c'est ce que j'ai voulu dans ce EP-là. Aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément le temps d'écouter des formats très longs, comme on disait en antenne. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, et chaque morceau a un petit concept. Comme je suis designer en tant que métier professionnel, on va dire, je trouvais ça intéressant de pouvoir essayer de créer des concepts par morceau. Et voilà, Distorama, c'est une intro. Le deuxième morceau, Reboot, c'est une sorte de comment. Enfin, je pourrais m'étendre vas-y. Mais Reboot, faire. Par exemple, et ben en fait, on a la voix de ce morceau-là qui a été générée artificiellement. Mais c'est la voix d'Alan Watts, qui était un philosophe et un écrivain américain des années 80. Il a une voix vraiment avec un grain très rétro, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc, du coup, j'ai utilisé cette voix-là pour la poser à un discours de développement personnel TikTok. D'accord. J'ai repris le script TikTok et je l'ai mélangé avec cette voix de ce philosophe des années 80 pour justement créer quelque chose d'assez unique, parce que le discours est assez parlant, assez facile, accessible, mais avec une voix en fait un peu plus, on va dire, profonde qu'une simple voix classique de développement personnel, quoi. Mm-hmm. Et donc du coup, ce morceau-là, c'est le fil conducteur. Je l'ai habillé ensuite avec mes sonorités pour essayer de faire une sorte d'électro-progressive qui, au fur et à mesure du discours, s'intensifie. Et voilà, du coup, c'était l'idée du morceau. Et les autres morceaux alors? Parce que t'as une collaboration avec Siberia, c'est de l'IA ou c'est. Non. C'est une vraie. C'est une ouais, cette fois-ci, c'est la seule voix qui est réelle. Blow My Mind. Ouais, exactement. Et ça, c'est le seul morceau de l'EP le plus authentique, j'ai envie de dire. Ouais. Authentique parce que l'utilisation, bah, là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, du coup, c'est une vraie personne qui a écrit les paroles. Et ce morceau-là qui est au milieu de l'EP, c'est un peu comme un rappel à la réalité, parce que tout est dystopique, tout est passé, tout est futur. Là, ce morceau qui est au milieu, c'est une sorte de petit bond dans le présent et c'est le morceau le plus pop en fait, et le plus facile, j'ai envie de dire, à écouter, avec une voix. Il passe bien, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc moi, je trouvais ça intéressant d'aussi faire des morceaux un peu plus pop et un peu plus ancrés dans le réel. Et pour le coup, c'était une collaboration qui s'est fait full distancielle. Siberia, je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. D'accord. Elle est argentine. Et tout s'est fait via Internet. Et je trouve que c'est super intéressant aussi parce que malgré qu'on ait fait un morceau complet, toute la relation s'est faite à distance. Et je trouve que c'est génial, les pouvoirs d'Internet et les collaborations à distance. Clair. Sur ce EP d'Historaba, donc, on le retrouve un petit peu partout. Hein, on le retrouve sur toutes les plateformes de streaming. Oui, bien sûr, ouais. Absolument partout. Tu n'as pas prévu une sortie physique, c'est pas, ça ne te parle pas? Si. Mon premier EP, Croissance, là, j'avais fait du physique. J'avais fait une cinquantaine d'éditions. Donc, c'était une édition très limitée. Là, je veux absolument faire un objet physique, juste pour moi. Parce qu'en fait, c'est un peu une consécration de sortir un EP et tenir quelque chose dans les mains comme symbole et comme trophée, si j'ose dire, de ce travail-là. C'est important pour moi. Donc, je ne pense pas que je le vendrai, mais pour moi, ça serait pour l'afficher dans le salon, quoi, en gros. Bah écoute, si, faut le proposer quand même, hein, ta Discog et compagnie, faut au Bandcamp, ouais. On peut essayer, mais bon, je ne crois pas trop au business du physique, malheureusement, ça se perd. Mais pourquoi pas pour les fans, en gros. Ouais. Alors, tu es très attaché à la ville de Lille, et les Hauts-de-France, hein, point que tu as créé un clip sur cette ville magnifique qu'est Lille, hein, c'est notre ville. On est d'accord. Et ce clip a été fait en collaboration avec l'INA, l'Institut National Audiovisuel. Exact. Ouais, bien sûr. Ça, ça s'est fait en 2022, quand je commençais le projet Décombre, en tout cas sous mon nom d'artiste Décombre. Ça, c'est parce que j'avais fait un remix d'une de leurs archives que j'avais envoyé il y a de ça, ça doit être en 2021, une année juste avant. Ils ont énormément apprécié le morceau et ils m'ont dit écoute, t'habites dans le Nord, tu vas rencontrer la délégation de l'INA du Nord et on va essayer de faire une sorte de résidence artistique et faire une vraie collaboration ensemble. Et en fait, le concept de ce morceau, c'était au travers les sonorités, essayer de retranscrire les émotions et l'ambiance du Nord. Et pour faire ça, on a travaillé avec les documentalistes de l'INA pour trouver une archive qui représente la ville, l'ambiance du Nord, la ville de Lille et aussi les autres villes de la région. Et donc, du coup, c'est Pierre Morrois qui discute. En noir et blanc. Exactement, en noir et blanc. Même pas, c'est en couleur, mais c'est des couleurs un peu saturées à l'ancienne. C'est super joli à voir, quoi. Alors on est très honoré, d'autant que tu n'es pas natif de Lille, hein, tu viens habiter à Lille et que tu t'ancres dans cette belle ville. Ouais. Donc on te remercie de ce bel hommage. Bah ouais, avec plaisir. Ouais. Et puis c'est cool justement d'être nouveau nordiste entre guillemets, parce que ça permet de voir ce qui est typique de la région. Ouais. Je suis arrivé ici pendant le Covid et j'ai pu remarquer cette ambiance, les gens super sympas, etc. Donc en fait, quand on y vit, je pense qu'on s'en rend peut-être un peu moins compte, mais quand on vient de l'extérieur, c'est flagrant. Bravo. Alors, outre le fait que tu sois musicien, tu es aussi DJ. Ouais, exact. Donc, je l'ai dit, hein, tu avais mixé à la condition publique. Ouais. Tu mixes sur d'autres endroits, notamment sur Lille, tu nous en parles? Ouais. Bah, en fait, on a monté un collectif avec Camille Ancio qui s'appelle Sombre Electro. On joue dans des lieux hybrides, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des bars avec une petite scène. Donc on essaye en fait, de mettre à l'honneur tous les styles italo-disco, dark disco, EBM, dark wave, parce que je trouve que sur l'île, en tout cas, il y a vraiment une grosse scène techno, art techno, et nous, on essaye de se différencier dans ce créneau-là, un peu plus lent, un peu plus froid, et je pense que il y a une petite place qui est en train de se créer dans ce créneau, et c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. C'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai, on en parlait aussi tout à l'heure. Je pense que nos canaux de transmission, de communication, de promotion ne sont pas les mêmes. Non. Donc, pourtant, la musique, quelque part, c'est la même base. Hein, donc, ce serait bien qu'il y ait une porosité entre chaque milieu, entre guillemets. C'est ça, nos univers, ouais. Donc, je ne sais pas par quel canot tu passes, parce que c'est vrai que Facebook, pour toi, c'est peut-être... Même pas, parce que j'ai eu mon compte Facebook en 2007, donc au début, et encore aujourd'hui, je pense que j'utilise, mais plus pour les messages. Ouais. Mais non, en vrai, je suis surtout Instagram. Ouais. Parfois TikTok, mais surtout Instagram, je pense. Je l'utilise beaucoup pour communiquer. C'est le canal de transmission pour l'organisation de vos soirées? De communication. Et Facebook, toujours un petit peu pour. Ils ont la fonction super sympa de pouvoir créer des événements. Et donc, du coup, on a des rappels. Donc en fait, moi j'utilise les deux clairement. Instagram pour la communication visuelle de l'événement et Facebook pour plus l'organisation pure et dure, la date, le rappel et voilà. Et vous êtes combien dans cette association ? On est juste deux. Ouais. On est juste deux, mais notre idée en fait, c'est d'inviter toujours un DJ différent. Okay. Par exemple, la soirée, on a une soirée du coup le 31 octobre qui sera la 10e édition de Sombre Electro. On a débuté en 1 an et demi, quand même, mais c'est ça. On faisait en moyenne à peu près une soirée par tous les mois et demi. Donc voilà. Et donc du coup, on fait notre 10e édition le 31 octobre et on invitera Morgane McGee, qui est du coup une nouvelle DJ qui est arrivée pareil sur l'île il y a peut-être une année. D'accord. Et qui est spécialisée dans le créneau EBM, Dark Disco et Italo Disco. Donc en fait on cherche à dénicher entre guillemets des nouveaux artistes pour les promouvoir aussi. Bah écoute, t'as mon mail. On va rester en contact carrément. Donc là, parle-nous un petit peu, hein. Donc le 31 octobre, vous avez quelque chose ? C'est où ? C'est du coup, ça sera à Lille, ça sera au Locaria, un bar qui est situé rue des Postes. C'est notre fief pour Sombre Electro. Je pense que c'est la 3e ou 4e édition qu'on fait là-bas. Donc voilà, c'est le 31. Il y aura d'autres DJ sets après cette date-là, mais pas forcément Sombre Electro. Moi, ça m'arrive de faire aussi DJ tout seul ou dans une autre structure. Donc voilà, j'ai pas forcément de date à préciser ce soir, mais celle à retenir, c'est vraiment le 31 au Locaria. D'accord, parfait. Le futur de Décombre, quel est-il ? Il est déjà bien entamé, parce que tu vois combien d'années d'existence du coup avec ce Décombre, ça va faire 3-4 ans on va dire, mais PCX ça fait 10 ans, et en soi, comme je te disais... T'as 10 années d'existence musicale entre guillemets. Est déjà bien représenté, notamment, c'est vrai que ça doit être une super plateforme de promo, hein, cette histoire de publicité, etc. Ouais. Parce qu'on a parlé des pubs, mais t'as aussi un fond sonore pour une série nordique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est difficile à dire parce que ça arrive très régulièrement. Bizarrement, ça paraît un peu dingue dit comme ça, mais mes morceaux sont très régulièrement diffusés dans des séries, dans des shows télé, etc. Mais c'est vraiment de l'habillage sonore, donc en fait, c'est très discret. Parfois, les gens n'arrivent pas forcément à les chazamer. Donc en fait, en soi, ça rend mon projet assez crédible à l'image, mais c'est pas ça qui me fait totalement popper comme la pub Peugeot aurait pu l'être. Je comprends, mais tu vois, moi, on a deux garçons et quand ils regardent une série et qu'ils aiment bien la musique, hop, ils font défiler le générique, tu sais, pour avoir les crédits et ils découvrent plein de trucs comme ça. Donc je pense fortement que ça marche aussi pour toi. Ça peut. Niveau live, ça te parle ? Ouais, j'aimerais beaucoup faire du live. Pour l'instant je suis DJ mais le live c'est un truc qui m'intéresse énormément mais en fait j'arrive à donner cet effet de live dans mes DJ sets parce que je fais de la musique club mais j'aime aussi beaucoup changer le BPM, varier très rapidement un peu comme un concert comme on pourrait faire en concert et vraiment créer une interaction avec le public. Donc pour l'instant je fais pas de live, je fais des edits live de mes morceaux que je joue exclusivement en DJ set. Mais j'ai pas encore de machine sur scène, je chante pas encore, même si c'est quelque chose à l'avenir que j'aimerais beaucoup faire, D'autant que t'as des attaches là, tu connais bien l'aéronef. Ouais, effectivement, je suis bénévole de temps en temps là-bas, c'est une super salle, c'est une super ambiance, donc effectivement, il y a des connexions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Arthur ? Bah écoute, de m'amuser, voilà. Je pense que quand on fait de la musique, faut jamais trop se prendre la tête parce que c'est là que le plaisir s'arrête et c'est là que la créativité n'est plus au rendez-vous, je pense. Donc juste de m'amuser, de faire plaisir aux gens et de rencontrer plein de bonnes personnes et voilà. Bah a priori t'es une bonne personne parce que t'as ton manager là qui est derrière moi, Enrico, qu'on salue. Enrico de Vedanity Affaires du coup, qui gère la promotion avec moi de Distorama et le management. Donc pareil que j'ai rencontré de fil en aiguille en soirée, passionnés tous les deux de musique, les connexions se créent vite. Ouais, et vous allez bientôt chez nos amis de Boomerang, donc c'est le 18 novembre tu me disais Enrico. Le soir pour une interview de Arthur de Décombre. Exactement, on continue la promo radio. Bah écoute, je te remercie d'être passé dans les studios de Galaxy, Arthur. Ouais, bah merci si à toi. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite aucunement. Non, bah écoute, plaisir. En tout cas, je voulais te remercier encore une fois pour la possibilité de venir parler à Galaxy Radio, qui est pour moi la dernière radio. Fois, t'inquiète pas. Ah bah avec grand plaisir, écoute. Dès que j'ai une actu, tu passes ici. Trop bien, ouais. Merci Walter. On a écouté tout à l'heure le morceau Reboot, et là, on va clôturer cette interview avec le morceau de Distorama, la plage titulaire de ton EP. Yes. Qu'on rappelle, on le retrouve sur Spotify, Deezer et... C'est ça, partout quoi, absolument partout, ouais. iTunes, Apple Music, voilà, et j'en passe. Donc Décombre, Arthur, merci d'être passé dans les studios de Sans pleurer, sans reproche, Galaxy Radio. Merci Walter. Et on passe tout de suite le morceau Distorama, c'est parti. Reading July 25th, year 1925. Time has been void. De Décombre, on vient de s'écouter la plage titulaire de son dernier EP qui s'appelle Distorama. Et avant de retrouver un agenda assez fourni, on passe à la sélection de la semaine, hein. C'est l'album The Beast in You de Ultrasun. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une très rapide ascension pour ce duo belge où à peine en 6 années d'existence, ils ont sorti une flopée de maxi, puis un album qui s'appelait US en 2024. Et cette année donc The Beast in You, ce mois-ci chez les Canadiens de Art of Factor Records. Franchement, je savais que ce groupe allait percer. Ils ont une formule qui peut plaire à la majorité des personnes, qu'elles soient de notre génération ou bien de générations plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes. Et ça, je trouve que c'est un coup de génie de leur part. Sur cet album de Beast in You, ils gardent leur style assez dansant, attirant. Je trouve qu'ils gagnent en qualité de composition. Ne pensez pas qu'ils se dirigent vers une musique plus commerciale, car leur atmosphère est en majorité très très sombre. sur ce genre d'album dont ils avaient sorti pas mal de singles, ce qui est un risque, hein, parce que ça gâche un petit peu la découverte. Mais sur cet album, malgré la sortie de ces nombreux singles, je me suis vraiment régalé totalement. C'est paru en CD, en vinyle, en édition limitée. Ils sortent donc chez Art of Factor Records. Et c'est un label vraiment bénéfique pour eux, car depuis, ils ont tourné en Amérique du Nord et du Sud. Actuellement, ils tournent en Europe et ils vont bientôt retourner sur le continent américain pour promouvoir ce nouvel album de Beast in You. On s'écoute le morceau Fever and Denial. Strassen avec le morceau Fever and Denial, extrait de leur dernier album, The Beast in You. Ça paraît chez Art of Factor Records. Et c'est notre sélection de la semaine pour ce lundi. Allez, il est temps de passer un agenda et il est pas mal fourni. Réservez votre 31 octobre qui sera l'essentiel de la programmation de cet agenda. J'en parle tout à la fin avec une belle séquence musicale là. Au niveau de la programmation de Galaxy, notre radio organise une super soirée, c'est le 22 novembre. Ça sera au domaine de la Cendrée à Arnes, donc c'est au-dessus de Lille. Le line-up est, comme d'habitude, hein, fantastique. Il y a SB, Silver Sea, Vince, DJHS et Will Turner. Les places sont disponibles hein, sur Place Minute. Le prix dérisoire hein, pour ce super événement, donc Galaxy Retro House Legends. Au domaine de la Cendrée à Arnes. Ce sera un agenda un petit peu décousu, vous allez voir, on commence avec le 4 novembre. Il y a les Parisiens de Leroy Summer qui jouent avec Outre Noir au point éphémère de Paris. Ils jouent à la maison. Le 27 novembre, il y aura nos amis de Voodoo Vox qui seront accompagnés de Ground Zero et ils joueront à l'Open Music Club qui se situe 13 place Sainte-Anne à Comines, Belgique. Le 15 novembre, la soirée Belgian Electro Wave is not dead, part 5, avec en live Dismore Nomina et Mildreda. Ça se passera aux deux Vomelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite salle qui, est, qui se situe dans un fort, un vrai fort, à Wommelgem, c'est tout près d'Anvers, là où se passaient les BIM Festival auparavant. 15 novembre, Dismore Nomina, Mildreda. Ce jour même, le 15 novembre, il y a The Ultimate Dreamers Particule et en DJ Misty. Ça se passe dans un café, une boîte qui s'appelle Le Salon, dans la ville de Silly. C'est à proximité de Hatte. Bientôt à l'aéronef, il y a The Young Gods et Daskin qui joueront, donc c'est pas complet. Allez chercher votre place sur le site de la billetterie de l'aéronef. 29 octobre, The Young Gods et Daskin. Mais ce qui me préoccupe, c'est le 31 octobre. C'est une belle préoccupation parce que ce sera ce Dark Lab 2, un super festival hein, qui se déroule tout près de chez nous, ici au Black Lab de Wascal, sur 3 jours. Le 31 octobre, il y aura Dageist, normal qu'ils jouent puisque c'est Fred qui organise et c'est toujours un super plaisir de les voir sur scène. Ils seront accompagnés d'un groupe qui monte et qui monte et qui cartonne, c'est Traitors. Il y aura ensuite Dasich et Patrick Conis en DJ7. Le lendemain, samedi 1er novembre, les groupes Je t'aime, Non Human, alias NNHMN. Il y aura Vive la fête et un DJ7 de The Hacker. Je crois que ces deux jours-là, le Black Lab va flamber avec des deux DJ pareils. Mais ce n'est pas tout, puisque le dimanche, hormis le couvert, Fred a invité les Américains de Forever Grey. C'est un groupe assez cold wave. Hein, et l'after party. C'est lui-même, c'est Fred qui joue des manettes en DJ7 grâce à son émission de radio qui s'appelle X-Wave qui a lieu tous les 15 jours hein, donc sur RCV. Vous allez pouvoir trouver les billets, hein, 50 euros pour tout ça, vendredi 31 octobre, Dageist, Traitors, Dasich, Patrick Conis de Front 242 en DJ7, Je t'aime, Non Human, Vive la fête, The Hacker en DJ7 et Forever Grey. Tout ça pour 50 euros sur le site de billetterie. Hein. De The Black Lab, ce super endroit. Alors j'ai voulu illustrer ce festival, on terminera d'ailleurs l'émission là-dessus. On commencera avec Dageist et on fera ça dans l'ordre chronologique de ce très beau festival de Dark Lab 2. On commence donc avec Dageist et mon morceau préféré. Ce premier album s'appelait 40, c'est paru chez Danse Macabre. Et mon morceau préféré, No One Is Innocent. On continuera avec Traitors, le morceau Moth Poisons de l'album Horses in the Abattoir. C'est sorti chez Freak Wave Records. Je sais qu'il n'y a que Patrick Conis qui sera là ce soir-là. Il fera un DJ set, mais j'ai envie de passer un front de K2 avec un morceau que je sublime, et c'est In November, la version live V-Pro de la réédition de Geography. Et on terminera avec les stars de ce 31 octobre, Dasich et leur dernier single, hein. S'appelle Lazarus. On continuera pour illustrer le 1er novembre avec les groupes Je t'aime, le titre Silence Monsters, extrait de leur album Useless Boy, sorti chez Icy Cold Records. On poursuivra avec Non-Human, NNHMN, le morceau Your Demon, tiré de leur EP The Art of Lust and Sorrow Part 1, sorti chez eux, K-Dreams Records. Et oui, je sais, The Hacker sera en DJ7, mais je passe un morceau de The Hacker, un super morceau, un tube, Novo Disco, qu'il a fait en collaboration avec le français de HIV+. C'est la plage titulaire de ce maxi sorti chez Oraculo Records. On continuera avec les Flamands de Vive la Fête, le morceau Tourterelle de l'album Destination Amour. Et on terminera avec les Américains de Forever Grey, le morceau Common Coffin de l'album Departed. Tout ça, vous aurez, pendant ces séquences, vous aurez largement le temps de vous procurer les tickets pour The Dark Lab 2 sur le site du Black Lab. 50€ pour cette affiche qui est terrible. Je remercie encore Fred de passer dans les studios de Sans Pleurer Sans Proche pour nous parler de tout ça. Je remercie Fred encore pour organiser ce super événement et au Black Lab, c'est le must. On termine donc cette émission de Sans Pleurer Sans Proche là-dessus, sur cette grosse séquence dédiée au The Dark Lab 2. Je remercie encore Arthur d'être passé dans les studios de Galaxy Radio pour nous présenter son projet de décombre et son nouvel EP qui s'appelle Distorama. Il reviendra, vous aurez bientôt de ses nouvelles, sous une forme particulière, vous allez voir. Merci encore de votre fidélité à Sans Pleurer Sans Reproche. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas trop quand, en direct dans les studios de Galax. Vous serez informés sur les réseaux sociaux. Merci encore d'écouter cette émission. Je vous souhaite le meilleur et dans tous les cas, on se voit au Black Lab le 31 octobre. Ciao. Thank you. Das neue Album erscheint nur physisch und ist am 31. Oktober 2025 auf der Das Ich-Seite erhältlich. The new album will be not released digital. Get it October 31st at dasich.de. Thank you.